بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 6 dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman, explication des fondements de la foi du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et donc il rapporte le Cheikh des hadiths au sujet de la foi en Allah en premier. Donc on est dans cette section maintenant, la foi en Allah. Et donc, le point qu'on explique aujourd'hui, ou par lequel on commence, c'est إثبات صفة الفرح. إثبات صفة الفرح لله تعالى. C'est-à-dire l'affirmation de l'attribut de la réjouissance. Hein? La réjouissance ou bien la joie à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit. Na'am. Donc, le cheikh, il explique, il dit, bon, qu'il a cité ce hadith qui est rapporté selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lillahi ashaddu farahan bi tawbati abdihi, hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin, fanfalatat minhu, وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddati al-farah akhrajahu. Naam, donc ici c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici c'est la narration de Muslim et il est rapporté selon le compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a une joie plus forte hein, que la Allah subhanahu wa ta'ala a par rapport à la repentance de son serviteur lorsqu'il se repent, une joie qui est plus forte encore que la joie de l'un d'entre vous qui retrouve sa monture dans un terrain désert ou sur une terre désertique alors que sa monture s'était enfuie avec sa nourriture et son eau, et par conséquent, il avait perdu tout espoir de survie. Alors, il s'était allongé au pied à l'ombre d'un arbre, et il avait attendu hein, la mort. Et lorsqu'il se réveille, il retrouve sa monture debout devant lui avec ses provisions. Et il attrape l'animal par la corde qui par laquelle elle est attachée et il l'attrape et par la joie qu'il ressent qui est tellement grande il dit, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Et il s'est trompé à cause de la force, de la grandeur, de la joie qu'il a ressentie. Il était tellement content qu'il s'est trompé en s'exprimant. Et au lieu de dire, « Oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur, ton esclave. » Lui, il s'est trompé, il a dit, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Et donc, c'est pour montrer à quel point il était content de retrouver sa monture. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore plus content de la repentance de son serviteur que cette personne hein, qui a retrouvé dans cette situation-là sa monture. Et le cheikh, il explique maintenant le hadith, il dit, cheikh Al-Fawzan, حفظه الله. Il explique le hadith. Il dit, وهذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل وأنه يفرح بتوبة عبده وفيه إثبات التوبة وأنه عز وجل يتوب على عبده إذا ما أقبل إليه بإخلاص. والتوبة معناها الرجوع فالله جل وعلا يعود على عبده بالرضا بدل الغضب وبالمغفرة بدل العذاب. ومن أسمائه سبحانه وتعالى التواب. التواب فقال وأنا التواب الرحيم أي كثير التوبة على عباده. ففيه إثبات التوبة لله وأنه يتوب على عباده ويرجع عليهم بالخير. Donc ici le cheikh il explique que dans ce hadith il y a l'affirmation de l'attribut de la joie à Allah Azza wa Jal et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit de la repentance de son serviteur, et il y a dans ça également l'affirmation de la tawba, la repentance, et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala accepte la repentance de son serviteur et il revient vers son serviteur lorsque son serviteur se tourne vers lui avec sincérité, avec pureté de cœur. Et la repentance en arabe c'est at-tawba et ça signifie ar-rujur. Ar-rujur, c'est-à-dire le fait de revenir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il revient à son serviteur comme le serviteur revient à Allah. Donc il dit ici que Allah azza wa jalla, il revient à son serviteur avec l'agrément au lieu de la colère, avec le pardon au lieu du châtiment. Il remplace la colère par l'agrément et il remplace, il revient avec le pardon plutôt que le châtiment. Et parmi les noms d'Allah, un de ces noms c'est At-Tawwab. At-Tawwab. Et At-Tawwab c'est la forme en arabe qui vient de la forme qui est Al-Fa'al. Fa'al. C'est donc une forme qui est dans le sens de, comme on dit en arabe, de al-mubalaghatu fi shay. Al-mubalaghatu fi shay. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, tu le fais avec beaucoup de force, plus que qu'est-ce qui est habituel. Donc, par exemple, si tu dis, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est... par exemple Al-Ghafir, Ghafir, il est Ghafir, il est pardonneur, mais il est aussi Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, ça veut dire que c'est celui qui pardonne, il est celui qui pardonne, mais il est également celui qui pardonne énormément et sans cesse, donc c'est quelque chose de plus. Si tu dis par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Raziq, Al-Raziq, c'est celui qui donne le risque. Mais Al-Razzaq, c'est celui qui donne constamment et sans cesse de son risque. Il donne sa subsistance sans cesse. Donc la forme fa'al, c'est une forme, d'exagération dans la chose. Mais pas d'exagération dans le sens négatif ici, parce qu'on sait que très bien que exagérer... quand on parle des créatures, c'est quelque chose qui semble qui est quelque chose de mauvais, tandis que ici c'est dans le sens de Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'il fait beaucoup, et que il calcule pas, il le fait sans calculer. Et ici par exemple At-Tawwab, ça veut dire celui qui revient tout le temps, qui revient beaucoup vers son serviteur. Il revient beaucoup vers son serviteur. Il revient constamment vers son serviteur. Il est At-Tawwab ar-Rahim, comme il dit dans le verset 160 dans Sourate Al-Baqarah. Wa ana At-Tawwab ar-Rahim. C'est-à-dire, je suis celui qui revient constamment à son serviteur lorsqu'il se repent est le tout miséricordieux. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas refuser de revenir vers son serviteur lorsque son serviteur s'est repenti. Parce qu'il est at-tawwab. Il est at-tawwab. Il est celui qui revient constamment vers son serviteur. Il est al-ghaffar. Celui qui pardonne constamment à son serviteur. Donc, ça veut dire que c'est pas, il n'y a pas une limite de foi que tu puisses te repentir de ton péché. Pour dire, ah, oh, mais là, ça y est, tu t'es repenti 10 fois, c'est fini maintenant. Non. Ah, tu t'es repenti 20 fois. Non, c'est fini maintenant. Non, c'est pas fini. Allah subhanahu wa ta'ala, il est at-tawwab. Ça veut dire que même si ça fait 1 million de fois que tu t'es repenti de ton péché, eh bien, même si, du moment que tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il va toujours te pardonner. Il va toujours accepter ta repentance. Tant que tu es sincère envers lui, il revient vers toi. Et donc, c'est ça ce qu'il explique ici, le cheikh. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il revient constamment vers son serviteur. Et il y a dans ça, donc, l'affirmation de la repentance à Allah, dans le sens qu'il revient. At-tawba, on l'affirme à Allah, dans le sens que lui, il revient vers son serviteur. Et il revient avec eux, avec du bien. Et le point suivant, le cheikh il explique, il dit wa fil hadith ithbatu al farah lillah azza wa jal wa anna Allah yafrah bi tawbati 'abdihi wa fihi hath al 'ibad 'ala al tawbati wa 'adam al qanut wa 'adam al qunut min rahmatillah wa 'adam al qunut min rahmatillah wa annahu subhanahu yafrah bi hadha wa hadha min karamihi subhanahu wa laysa muhtajan ilayna fa idha tubna lam yazid fi mulkihi shay'a wa idha lam natub lam nunqis min mulkihi shay'a ولكن الله يفرح بذلك تكرما ولطفا منه سبحانه وتعالى بعباده لأنه يريد لهم الخير والنجاة والفوز ولا يحب لهم الكفر والعذاب وإنما يحب لهم التوبة والمغفرة والنعيم وهذا كله من فضله سبحانه وتعالى. Donc ici, le cheikh, il explique que dans le hadith, il y a l'affirmation de la joie à Allah Azza wa Jal et que Allah subhanahu wa ta'ala, il se réjouit de la repentance de son serviteur et il y a dans ça une incitation aux serviteurs et aux êtres humains de se repentir après avoir commis un péché et de ne pas perdre d'espoir en la miséricorde d'Allah, hein. Et il y a, et le cheikh il dit, et également Allah subhanahu wa ta'ala, donc il se réjouit de cela, et c'est par, pour honorer le serviteur et par sa générosité qu'il se réjouit pour lui. Pas parce qu'il a besoin de cette repentance-là de la part de son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala, si on se repent à lui, cela ne lui ajoute rien dans son royaume. Hein? Et ça ne va pas l'augmenter en quoi que ce soit. Mais il dit, mais si on ne se et si en même temps on ne se repent pas à lui, eh bien ça ne va pas non plus le diminuer en quoi que ce soit dans son royaume. Sauf que il se réjouit pour nous de cette repentance là par générosité et par douceur pour nous de sa part, parce que il est doux. Et il est généreux envers ses serviteurs. Et parce qu'il veut pour ses créatures le bien, le salut et la réussite. Et il aime pour ses créatures le bien. Mais il n'aime pas pour eux la mécréance et le châtiment. Hein? Donc il aime uniquement pour ses serviteurs la repentance, le pardon et la grâce. Et tout ça, ça fait partie de sa grâce, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son excellence. Et ensuite, le cheikh, il explique que, ensuite, il dit, فَقَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ وَفِيهِ أَنَّ اللَّهَ يَفْرَحُ فَرَحًا شَدِيدًا أَشَدُّ مِنْ فَرَحِ الْمَخْلُوقِينَ ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا في رجل فقد راحلته في أرض مهلكة يعني ليس فيها ماء ولا طعام وقد استسلم للموت ونام تحت ظل الشجرة بانتظار هلاكه وبينما هو كذلك فإذا براحلته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه فهذا فيه أنه لا يجوز القنوط من رحمة الله مهما اشتد الأمر والضيق بالعبد مهما اشتد الأمر والضيق بالعبد بل عليه أن يعظم الرجاء بالله فكلما اشتد العسر من كان اليسر قريبا فكلما اشتد العسر كان اليسر قريبا لقوله سبحانه وتعالى واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرح مع الكرب وأن مع العسر يسرا وكما في القرآن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Donc ici, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah se réjouit plus de la repentance de son serviteur. Et il dit, ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit d'une grande joie, hein, qui est plus grande encore que la joie des créatures. Et il dit que, yani pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa joie, elle est plus grande que la joie des créatures. Et on ne peut pas non plus imaginer comment est la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une chose est certaine, Allah il dit dans le Coran, « Laysa kamithlihi shay », hein? Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc sa joie, elle est une joie qui n'implique aucune imperfection, contrairement à la joie des créatures. Et ça, c'est une chose qui est établie et qui est claire. Hein? Dans la aqida de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, on ne va pas donc nier cet attribut, contrairement aux gens de bid'a comme les Jahmiyyah, et les Mu'tazila, et les Asha'ira, et les Maturidiyya, eux qui refusent d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit et qu'il a la joie comme attribut. Ensuite, le cheikh, il dit que ensuite le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a donné un exemple ici. Et dans cet exemple, il a montré donc un homme qui était sur sa monture, ou bien qui avait sa monture avec lui, et que cette monture, il l'a perdue. Il l'a perdue alors que dessus, il y avait toutes ses provisions. Et il est dans une terre désertique, ça veut dire il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien à manger ni à boire. Alors à ce moment-là, il s'est abandonné à la mort et il a dormi sous l'arbre d'un arbre en attendant justement la mort puisqu'il sait que de toute façon il n'y a rien à faire. Et au moment où il a pensé que tout était perdu pour lui, il se réveille et il voit sa monture devant lui, hein, avec sa nourriture et son eau, et il se réjouit à ce moment-là. Et le cheikh, il dit, il y a dans ça donc la preuve que il n'est pas permis de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, peu importe à quel point les choses deviennent difficiles et deviennent très très dures pour le serviteur. Il doit toujours avoir un grand espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Plus les choses deviennent difficiles, il doit se rappeler que la facilité est proche. Chaque fois que les choses deviennent dures et difficiles pour lui, il doit savoir que la facilité, elle est proche. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le mentionne dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad selon Ibn Abbas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache que la victoire vient avec la patience et que la délivrance vient avec la difficulté et ou le malheur. Hein, la délivrance vient avec la persécution et le malheur, et que la facilité, la difficulté vient avec la facilité. Donc, tout ça, c'est des choses qui doivent rester toujours présentes dans notre esprit quand on subit des persécutions ou des difficultés ou qu'on est dans une situation difficile, ne pas perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh, il dit, fafi hada, hein, farhu hada rajul, ففرح هذا الرجل فرحا فرحا شديدا حتى إنه أخطأ في التعبير عن فرحه أو عن فرحه من شدته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك والله أشد فرحا من هذا الإنسان. ففي الحديث إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى مع الاعتقاد أن الله منزه عن مشابهة المخلوقين. ففي هذا الحديث بيان أن المخطئ لا يؤاخذ. فهذا الإنسان أخطأ في التعبير من شدة فرحه، لكن الله لم يؤاخذه مع كونه وصف الله جل وعلا بأنه عبد ووصف نفسه بأنه الرب، لكنه لم يتعمد هذا. والله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولما نزلت هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت. فهذه الأحاديث فيها معرفة الله جل وعلا، وقد اختارها الشيخ عن فقه وعن معرفة تام أو عن معرفة تامة، لكونها تعرف بالله عز وجل وتبين أسماءه وصفاته المذكورة في ثنايا هذه الأحاديث الثابتة. Donc ici le cheikh il explique que donc cet homme s'est réjoui d'une grande joie au point où il s'est même trompé dans l'expression hein, à cause de sa joie qui était trop forte, et donc il a dit « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a une joie encore plus grande que cet homme-là. Et dans ce hadith, il y a donc l'affirmation de l'attribut de la joie pour Allah Azza wa Jal, et tout en croyant bien entendu que Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de ressembler à ses créatures. Et dans ce hadith, il y a également un point qui est expliqué qui est important, c'est que on ne va pas tenir compte de l'erreur d'une personne lorsqu'elle se trompe ou lorsqu'elle fait une erreur dans sa façon de s'exprimer à cause de la joie ou à cause de la colère ou dans des situations semblables. Si quelqu'un dit une parole, même comme ça, parce qu'à la base de dire cette parole, c'est du kufr. Hein? Si quelqu'un disait cette parole normale, hein, de façon normale, sans autre explication, si quelqu'un disait « Allah c'est mon serviteur, puis moi je suis le Seigneur », ça c'est du kufr de dire ça. Mais dans la situation dans laquelle cet homme était, et il n'a pas fait exprès, il s'est trompé, il était trop content, alors il n'a pas fait attention, et sans faire exprès, il s'est trompé dans sa façon de s'exprimer, et c'est pour ça qu'on dit que la personne qui fait une erreur, ou qui se trompe, même dans la aqida, hein, et qui dit une parole de kufr par erreur, hein, qui ne fait pas exprès, et que ce n'est pas prémédité, ce n'est pas intentionnel, hein, il n'a pas voulu ça, ce n'était pas son intention, il s'est trompé, c'est une erreur. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de péché, hein, il n'y a pas de péché pour cette personne. Et il a cité le cheikh comme preuve à ce sujet-là, le verset 5 dans Sourate Al-Ahzab, et ici c'est يعني le verset qui dit nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmé pour ce que vos cœurs font délibérément. Hein? Donc ici c'est clair que la personne, c'était pas son intention de dire cette parole. Elle s'est trompée, c'est une erreur. Et dans un autre verset, qui est le verset 286 dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, cette invocation qu'il nous enseigne, hein, de dire, notre Seigneur ne nous prend pas, hein, ne nous tient pas pour responsable pour ce que nous faisons par oubli ou par erreur. Hein? « Innasina ou akhtana » Si on a oublié ou si on a en effet une erreur. Et donc, par rapport à cette invocation-là, il est rapporté par l'imam Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, selon Abdullah ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « qad fa'alt », c'est-à-dire « je l'ai fait », en voulant dire « je vais pas vous prendre ou vous tenir pour compte ». Des comptes, vous prendre des comptes pour ce que vous dites ou ce que vous faites par oubli ou par erreur. Hein? Et tous ces hadiths, comme le cheikh il explique ici, que tous ces hadiths-là, eh bien, ce sont des hadiths dans lesquels on a des informations à propos d'Allah, Azza wa Jal, qui nous aident donc à connaître Allah et à justement pouvoir mieux l'adorer. Et à pouvoir plus l'aimer. Hein? Et c'est clair que un exemple de ça, comme par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala, il rit, hein, de certains serviteurs, ou par rapport à certaines choses que les serviteurs font, il rit. Et un compagnon, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, on ne cessera jamais d'espérer du bien d'un Seigneur qui rit. On ne cessera jamais d'espérer du bien d'un Seigneur qui rit. Hein? Donc, le sahabi, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il rit. Hein? Yadhak. Hein? Donc, quand il a entendu ça, tout de suite, hein, il a pris ça dans ce sens-là. Il a dit, on ne va jamais perdre l'espoir du bien d'un Seigneur qui rit. Hein? Et c'est vrai. Alhamdulillah. Tandis que les gens de Bid'a, eux, lorsqu'ils ont entendu ce hadith, eux, ils ont dit, Astaghfirullah, comment on peut dire que Allah, il rit, ça c'est une attribut des créatures, et si on dit ça, ça implique que Allah, il est comme une créature, et ainsi de suite, et donc ils essaient de nier le hadith et de nier l'attribut. Hein? Et donc la joie, c'est la même chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il s'est décrit de cette façon par l'intermédiaire de son prophète. Et on n'a pas le droit de nier ces attributs-là juste parce que nous, on a mal compris ou qu'on a pensé que ça pouvait impliquer une ressemblance avec les créatures. Ça, c'est à cause de notre faiblesse dans notre compréhension. Mais on n'a pas le droit d'imaginer Allah ou d'essayer de comparer Allah à sa création. Mais il est obligatoire pour nous d'affirmer Allah tel qu'il s'est décrit et tel que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, hein, l'a décrit, sans essayer de déformer le sens, ou sans essayer de, faire des ressemblances entre la créature et le créateur. Maintenant, on va lire un autre hadith. Le hadith suivant, le titre de ce hadith-là, c'est le cheikh Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab, il a appelé ce point-là ma ja'a fi anna lillahi ta'ala yadan, c'est-à-dire ce qui a été rapporté au sujet du fait que Allah Azza wa Jal, il a une main. Il a une main. Donc ici on va lire le hadith. Il dit wa an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Donc ici, le cheikh, il explique que il est rapporté, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes Allah, il étend sa main la nuit pour que se repente à lui celui qui a fait des péchés durant le jour. Et il étend sa main le jour pour accepter la repentance de celui qui a fait des péchés durant la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'occident ou à l'ouest. Jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Rawahu Muslim. C'est rapporté par l'imam Muslim. On va lire maintenant la signification de ce hadith. Le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, « هذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى وهي يد ليست كأيدي المخلوقين إنما هي يد تليق بجلال الله سبحانه وتعالى دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل وأنه يبسطها تكرما منه سبحانه وتعالى وفضلا. Donc il dit le cheikh ici que ce hadith, dans ce hadith il y a l'affirmation de l'attribut de la main à Allah Azza wa Jal, et c'est une main qui n'est pas comme les mains des créatures, c'est une main qui convient et qui correspond à sa majesté et qui dans laquelle il n'y a pas de ressemblance ni de comparaison et dans la, qu'on n'a pas le droit de nier. Donc il n'y a pas de tashbih. Il n'y a pas de tashbih, c'est-à-dire il n'y a pas de ressemblance entre la main d'Allah et la main de ses créatures. Il n'y a pas de comparaison ou de ressemblance entre la main que Allah possède et la main des créatures. Et il n'y a pas non plus de négation de cet attribut-là. On n'a pas le droit de nier cet attribut, ni directement, ni indirectement. Allah subhanahu wa ta'ala, il étend sa main et il ouvre sa main par générosité de sa part et par générosité et pour par sa faveur et sa grâce. Et il explique ensuite, il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yabsutu yadahu bil-layli ليتوب مسيء النهار هذا فيه إثبات أن الله يتوب على عباده ليلا ونهارا متى ما تابوا وأن التوبة ليس لها وقت محدد ففي أي ساعة من ليل أو نهار فإنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده فهو جل شأنه ليس على أبوابه حجاب وليس لفضله حد وليس للتوبة إليه وقت محدد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فهذا شأنه سبحانه وتعالى. Donc le cheikh, il explique que ici le prophète صلى الله عليه وسلم, il mentionne que il ouvre sa main la nuit pour accepter la repentance ou pour que se repente la personne qui a commis des péchés pendant le jour. Il dit que ça implique que, et ça signifie l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala, il revient vers ses serviteurs pendant la nuit et pendant le jour, tant qu'ils ont commis un péché et qu'ils veulent se repentir, et que la repentance, elle n'a pas un temps spécifique, qu'on peut se repentir n'importe quand, jour et nuit, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter cette repentance-là de la part de ses serviteurs, il n'y a pas entre le serviteur et la repentance à Allah de porte ou de voile. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, sa porte, elle est toujours ouverte pour accepter la repentance de ses serviteurs. Et il n'y a pas de voile qui empêche la repentance du serviteur d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas non plus de limite à sa grâce. Et la repentance n'a pas non plus de limite de temps pendant cette vie, sauf par rapport au fait que à la fin des temps, lorsque le soleil va se lever à l'ouest, eh bien là, à ce moment-là, il n'y aura plus de repentance possible. Mais ça, c'est à la fin des temps seulement. Pendant ce temps-là, la repentance, elle est toujours, jusqu'à la fin, elle sera toujours possible. Le cheikh, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il étend sa main, le jour, pour accueillir la repentance de celui qui a fait le péché pendant la nuit. Et donc, ça c'est pour montrer donc comment Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Il dit, wa fi hadha al-hadith, كذلك الحث على التوبة والمبادرة إليها. وأنه على الإنسان أن لا يؤخرها وفيه وصف الله بأن له يدا وأنها مبسوطة غير مقبوضة وأنه يتوب على عباده سبحانه وتعالى دائما وأبدا في الليل والنهار وأن التوبة إليه سبحانه وتعالى لا تختص بوقت معين أو مكان معين كما هو شأن بعض الملل الأخرى ولهذا جاء في الحديث القدسي قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Donc ici le cheikh il explique que dans ce hadith il y a une incitation à la repentance et à se précipiter à se repentir le plus tôt possible, et que l'être humain ne doit pas retarder la repentance. Et il y a également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est décrit comme ayant une main, et que cette main elle est grande ouverte, elle n'est pas fermée, et que il revient vers son serviteur constamment. Et de façon continuelle, et que ça peut être le jour, ça peut être la nuit, et que la repentance, la repentance du serviteur vers Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas être limitée à un temps, ou à un endroit spécifique, contrairement à ce que ça peut être dans le cas de certaines croyances ou de certaines religions différentes. On sait que chez les chrétiens, par exemple, ou chez les juifs, il y a certaines conditions de temps ou de lieu pour se repentir. Ou que, par exemple, il faut aller se confesser à un prêtre pour pouvoir être pardonné ou des choses comme ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Dans la repentance, on peut se repentir à lui directement et demander pardon à lui directement sans passer par quiconque. Et il dit le cheikh ici que c'est pour ça que il est mentionné dans un autre hadith qudsi que Allah subhanahu wa ta'ala dit ô mon serviteur, vous faites des péchés jour et nuit et moi je pardonne tous les péchés. Alors demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. Donc ça c'est, alhamdoulillah, un exemple de la repentance qui est obligatoire pour le serviteur, parce que la repentance de nos péchés, c'est pas une chose qui est seulement recommandée par Allah qu'on devrait faire, qui serait une bonne chose pour nous. C'est une obligation de se repentir de nos péchés, et donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de se repentir. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, je pense, même s'il reste encore du temps. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera cette explication-là au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.